Et j'ai du prénom de la mère de ton père, de ta mère si elle est déjà la paix. Et comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remercie déjà le père. Et comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant. 6 juillet 98, tu as pris vie. Aujourd'hui, tes parents, vois-tu, sont au paradis. Même si Andrea, du coup, a donné oui sa vie. C'était le plus beau jour de nos vies. Alors merci Mighty, car vois-tu, devenais papa ce jour-ci. On vécu un an avec ta mère, oui, en harmonie. Avant que les vampires explosent, ce bonheur ici, jaloux notre bonheur, je le dis. Ça pépé ainsi, oui, pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi ces conneries pour survivre dans la vie. Pardonne-moi, je t'en prie, mon fils, c'est pareil ainsi. Je te fais pleurer dans ta vie, mais je voulais que te voir heureux ici. Voulais voir heureux ici, mon enfant chéri. Et j'ai du prénom de la mère de ton père, je remercie déjà le père. Comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant. Car tu es mon enfant, la chair de mon sang. Séparé de toi, papa mendiait pour garder un toit. Quand dehors vois-tu, il faisait froid. Alors balançais mes doigts sur ce petit manche sans bois. Quand mes amis n'avaient plus de toit pour manger ma foi, alors le destin a changé maintenant. Tout simplement en tournant, wow, oui, ma maman. Parce que papa avait picolé, il s'est laissé aller. A rencontré une femme qui allait faire avancer. Qui nous entraînera la guerre au quartier. Faire prenez une femme, oui, qui allait se marier. L'été fera une sœur, c'est en jeu qui passe. Seul et confie, nous ont fait parler nouveau dans la vie. Ce sont des erreurs, parents, je te le dis, oui, ma chérie. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remercie déjà le père. Et comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller d'avant, car tu es mon enfant. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remercie déjà le père. Et comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller d'avant, car tu es mon enfant. Alors me suis battu, car je te voyais plus. Ta sœur est venue, mais les guerres s'atténuent. T'es paré de nouveau, j'ai redressé mon dos, à louer le plus haut. Mais tant m'a fait réagir que j'étais parent, qu'il fallait maintenant aller de l'avant. Restez là, mon enfant se retrouvera dans le temps. Car tu viendras perdre ta mère, alors j'assumerai mon rôle de père. Petit ami, oui, serait père, pour lâcher jamais tous mes cancers. Même si parfois éclate ta colère, je sais que tu peux compter sur ton père. Car tu es ma chair de ma chair. Protégé du prénom de la mère de ton père, de remercier déjà le père. Comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant. Protégé du prénom de la mère de ton père, je remercie déjà le père. Et comme l'océan, car tu es le sang de mon sang, je veux te voir aller de l'avant, car tu es mon enfant.